whisky, j't'ad malade. Gros pétard de salade. J'vite les appels, t'inquiète ma belle, Marseille on s'balade. Elle veut son gâté, elle veut son régalo. Ils font les tarés, nous on fait les tarots. Une soirée parée, t'es derrière les barreaux. Toi tu nous dis que t'as 45, les rafales tout chargé, ganté. Moi t'as sorti le A45, mais le videur te laisse pas rentrer. Y'a le guetteur qui crie ara, y'a le guetteur qui crie oua. J'ai calé les moulas avant le barrage, y'a la douane et les payos. J'remonte la costa, rebe la costée, j'fais crier golf 8R. J'vise pas le sommet, j'suis au star, ça roule des grosses terres avec ou sans mi-père. J'suis en Nike LV, j'écouterai LV, 80 œufs très onaris. LV de anglais, LV en money, BENAB, Dracaris. C'est minier au quartier, musique à fond devant la banane. La mélodie des idées fait danser Mario. Tu peux compter sur moi, fidèle commandant. Y'a naïté des sables, et j'parle pas de police. Ils en ont vu toutes les couleurs, ouais, les jeunes alcoolisent. Je sens que ça chante, et j'parle pas de choriste. M'en fous de la vue sur la mer, tant que les MM à la folie. En T-Max au cortège, on escorte la Rolls Royce. On bloque la L2, c'est le mariage à Baby Boy. Soit belle. Grosse baraque avec lui sur la mer. Ok, c'est quand je suis dans le vide.